Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Justine Renaud sera en fin de retour pour pertiner un sujet scientifique dans Justine Pertine. Et on dégustera un autre produit du tiroir de notre chronique Une grosse pointe d'adresse. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour, bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 24 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut, Tania! Salut! Tania! Oh, OK. Ninja! On est ninja matin. Ce matin, Tantan, je suis arrivé, je suis sorti de ma bâtisse, de mon bâtiment, de mon building, de mon bloc. Ouais. J'ai descendu jusque dans la rue. J'arrive en bas. Juste correct. En fait, je te corrige, juste correct pour arriver juste à temps. Juste à temps. J'avais oublié mes lunettes dans l'appartement au troisième étage. Fait que j'ai dû retourner. Prendre mes lunettes, de redescendre. Tu sais, quand à la fin de ton temps dans l'appartement, t'es sur l'ordinateur en train de mettre à jour la page assemblagereiki.com, t'es en train de chatter quelqu'un sur, sur ton téléphone. Donc, des affaires que je vois de proche, je me suis pas rendu compte que j'avais pas mis lunettes. Parce que c'est de loin, tu comprends? Imagine si j'avais pas mis lunettes, tu t'aurais pas vu à la face. J'aurais-tu manqué quelque chose? Oui, hein? Grave, un matin. T'es pas mal comme tous les matins? C'est ça. C'est OK. Ben, en tout cas, moi, je te regarde trop longtemps, c'est comme une éclipse solaire, cette histoire-là. Hein? Oh, mais on se voit pas très bien, de toute façon. Il y a comme plein d'affaires entre nous. Des micros décédés, c'est une station de radio. Ben, c'est ça, c'est voilà. Comme ça que ça fonctionne. C'est pas du théâtre qu'on fait, là. Eh ben non. Donc, bienvenue à votre émission matinale en pièces détachées. Aujourd'hui, à l'émission, à 8h, Justine Renaud va être avec nous pour Justine Pertine. C'est sa chronique musico-scientifique et scientifico-musicale. Elle nous présente un sujet scientifique et de la musique pour accompagner dans le thème. Ouh! Ça, c'est à 8h. On a bien hâte. Qu'est-ce qu'on a aussi aujourd'hui à 8h30, probablement environ, peut-être? On va faire ta chronique, Tania? Ma chronique, oui, certainement. En fait, aujourd'hui, je vous parle... Je l'ai un peu lancé hier sur Internet. Ouais, je sais. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux, mais ce matin, je vous présente un site, ou plutôt une page vraiment très intéressante. Vous allez pouvoir voir un petit peu plus tard de quoi il s'agit. J'en dis pas plus. C'est pas la Bible, hein? C'est pas parce que le pape Chosbin est à... J'aimerais ça, je parle du pape. Hey, j'aimerais ça. Ça va pouvoir nous ramener encore dans un insultes contre le petit Jérémy, puis ça va nous faire rire des fous rires interminables de ta part. OK, c'est fini ce temps-là. Je suis une gentille fille. Donc, en fait, je vous présente une page très intéressante de Facebook. Vous allez voir un petit peu plus tard ce que c'est. Puis, je vous parle aussi d'une fête culturelle qui va se passer cette fin de semaine pour, je dirais, quasiment une bonne partie de la ville de Trois-Rivières. Maintenant, on met tout à fait différente des habituelles fêtes culturelles québécoises. Rien de snob et... le petit nez dans les airs. Non, par contre, si vous n'avez pas une très grande ouverture d'esprit... Ah, si vous écoutez juste la voix, mettons, là. Exemple. Ouais. On va donner un exemple. Exemple, mettons que vous êtes fermé sur beaucoup de choses. Ouais. Ben, vous écoutez probablement pas, c'est fou. Donc, vous écoutez probablement pas le bon poste aujourd'hui. Surtout que si vous écoutez, vous êtes dans le public cible de ce qu'on va vous dire. C'est un peu ça le but. Ouais, c'est ça. Tu sais, faites juste vous ouvrir l'esprit, le temps de ma chronique, puis tout va bien aller. Je garde la surprise. Open up your mind. Et voilà. Ensuite, à 9h, on va terminer l'émission comme on le fait le jeudi avec une grosse pointe en dresse. J'ai hâte de voir ce que tu m'as amené ce matin. La semaine passée, c'est moi qui avais amené les petits goldfish à la pizza ou à la vanille. J'ai hâte, j'ai peur. Est-ce qu'on se fait un zigzag comme ça tout le temps, toi, moi, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être ça. En tout cas, on verra. Moi, c'est dans un sac d'épicerie, juste à mes pieds. Pourquoi tu le vois? Parce que c'est une surprise, cette chronique-là. En autant que c'est pas genre des langues de quelque chose qui traînent dans le vinaigre. Des commandes de quoi? Des langues de cochon? Ouais. Non. OK. Non. Et puis, c'était à peu près ça pour l'émission d'aujourd'hui. On va débuter dans quelques instants avec les instructions d'assemblage. Mais là, en musique. Ah oui. On s'en va entendre une pièce de The Vaccines. On l'a pas entendu depuis la première journée, je crois, de l'émission au début du mois. Donc voici Handsome. Des de vaccins, tout de suite, au 89 FM, c'est fou. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, o have good in whatever they sugarcoat you in. In my body's a temple you can worship, and my fever and I kick you in the teeth, sir. So even when you're spitting blood, you would save a thought for me. Cause I got so mad I held the world for ransom. Lord, he's more than mad, thank God I'm handsome. So handsome. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know I should be picking up the pieces. The Vaccines et une pièce qui s'appelle Handsome, assemblage requis. Ah, des fois, j'ai besoin de me faire conseiller dans la vie. Des fois, j'aime donner des conseils aux autres et ensuite pas les suivre. Hein, c'est ce que je fais. C'est ma technique de vie. Hein, c'est faire ce que je dis, pas ce que je fais. C'est vrai, c'est ta technique de vie. C'est ça. Tu me connais maintenant, c'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Ça marche pas! Ça arrive des fois. Ça arrive souvent, hein? Ça fonctionne pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a même des conseils qu'on vous donne que des fois on se dit, ben il me semble que ça marche pas. Donc on va essayer de démêler tout ça. Ça te tente-tu? Ça me tente. Commençons par parler du sujet qui me rend le plus mal à l'aise, c'est-à-dire l'argent. OK. Ça, c'est toujours des conseils qui sont vraiment durs à suivre pour moi. apparemment que penser toujours à ses erreurs du passé, ça va vouloir dire que tu vas les répéter probablement. Hein, tout le monde fait des erreurs financières, dépense aux mauvaises places, un beau plan qui se dit « Wow, ça va marcher, c'est sûr, finalement. » Ça te retombe dessus, puis tu perds de l'argent au bout du compte. Donc, c'est facile de s'en faire avec ça. Et malheureusement, ça va un petit peu à l'encontre de toute productivité. Hein? Donc, côté finance, c'est mieux de regarder le futur que le passé. Plus tu focuses donc sur tes dépenses folles, selon une étude publiée dans le Journal of Consumer Psychology, c'est ce que ça nous suggère, que les chercheurs en fait voulaient voir comment notre souvenir, notre mémoire par rapport à nos erreurs du passé, allait affecter nos habitudes dans le présent. Dans une expérience, les sujets se faisaient demander de se rappeler de leurs dépenses folles. Ils avaient plus de chances à avoir des dettes pendant un voyage imaginaire dans le présent au centre d'achat. Si par le passé, ils avaient fait des erreurs, dans le présent, ils continuaient d'en faire. Donc, on doit penser à notre futur, ce qui ne nous fera pas faire d'erreur. C'est exact, parce que l'histoire se répète, comme on dit. Hein. D'autres sujets se sont fait demander de se rappeler de fois où ils avaient fait de bonnes décisions prudentes avec leur argent. Ils devaient se souvenir de plusieurs de ces exemples-là, et lorsqu'ils ne pouvaient pas, ces sujets-là allaient au centre d'achat et dépensaient correctement. C'est ce que l'étude nous dit. Donc, ça suggère que c'est mieux de passer à autre chose, laisser le passé dans le passé, que c'est bon d'apprendre de ses erreurs, mais qu'il ne faut pas y aller pendant trop longtemps. C'est clair, ça? Ben oui, c'est clair. C'est très clair. Ça a du sens. Ensuite, pour éviter les erreurs de dépenses, on devrait se faire un budget. On appelle un Money Regrets Budget. OK. Donc, on a parlé tantôt de regretter ses erreurs du passé, qu'on devait laisser ça dans le passé. Ça peut être difficile de se débarrasser de ses dettes. On sait tous. Oui. Hein? Donc, pour combattre ça, on utilise le Money Regrets Budget, c'est-à-dire d'écrire ses erreurs sur un papier, disons une contravention de stationnement de 80$, exemple. Et ensuite, tu travailles pour faire descendre cette dette-là à zéro. Soit en coupant quelque chose, tu sais, ou en mettant ça dans la colonne des pertes, si ça se fait pas, si c'est un trop gros montant, à un moment donné, tu vas devoir faire un truc pas. Tu vas juste te focusser sur cette erreur-là. Tu fais comme moi, tu l'oublies. C'est ça. Et tu payes le triple. C'est ça. Donc, disons que, c'est ça, on l'a mis le 80$ dans la colonne des erreurs, d'accord? Et ensuite, bon, mettons qu'on réussit à se ramasser 10$ en économie pendant ce mois-là. On va déduire ce montant-là du 80$ dans le budget de regrets financiers. Donc, si t'es fait un budget de regrets, il y a toujours, à chaque mois, le 10$ qui va aller vers ta contravention. À chaque mois, tu comprends? Mettons que tu t'es acheté une TV, quelque chose du genre. Bon, souvent, ouais, mais là, tu peux pas passer 8 mois. Mais pendant 8 mois, tu vas mettre 10$ de côté pour rembourser ton 80$. Okay, rembourser, c'est oui. Ça, parce que tu as dû payer ton 80$ une fois, puis là, tu es dans le trou de 80$. Donc, pendant 8 mois, tu vas mettre 10$ dans ton budget de regrets financiers. Okay, tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'on se comprend. C'est comme à peu une près, punition là. Personnelle. C'est une punition personnelle pour faire que tu apprennes de tes erreurs. C'est la méthode de Ramit Sethi. Ça s'appelle le Stupid Mistakes Savings Account, un compte d'économie pour les erreurs stupides. Moi, je pense que ça fait le tour tout. Du sujet. Ça dit tout. Mais est-ce que, exemple, s'acheter une voiture sur un coup de tête, c'est une dépense stupide? Ben, je sais pas, parce que ça, c'est un énorme montant. Mais c'est comme ça? Moi, par exemple, au dernier Boxing Day, l'année passée, je me suis acheté une télé à 50$ par mois, dans un magasin d'ameublement. Oui. Qui est tellement, tellement joyeux qu'il est tout le temps gay. Ouais. Vraiment heureux. Dans le sens de ça, là, pas oui, dans le temps. Dans le sens on a compris ça. On avait compris. Qu'est-ce que je voulais dire avec cette blague douteuse-là? Oui, c'est ça. Donc, qu'à chaque mois, 50$ se prend dans mon compte de carte de crédit pour rembourser la télé. C'est un peu la même chose que ton compte de regret, sauf que ça se fait tout seul. Ouais. Mais ça se met dans la carte de crédit, donc ça baisse encore ce qui te reste sur ta carte de crédit. Oui, okay, je comprends. Donc, c'est pas vraiment la même chose. C'est pour ça qu'avoir un budget juste pour ça, ça pourrait être une bonne chose. Ensuite, on nous dit comment réparer de petits trous dans un mur avec de la bicarbonate de soude et de la super glue, de la super colle. Ah ouais! Tu sais, les petits trous là, de punaise qu'on a dans le mur, par exemple, oui. Pour afficher pour mettre des affiches, par exemple, c'est pas très joli, mais c'est assez simple de les remplir avec un peu de bicarbonate de soude et de la colle. Donc, on a déjà parlé d'une méthode par le passé de remplir de pâte à dents votre mur, mais cette façon-là est un petit peu plus permanente. On ajoute un peu de bicarbonate de soude à une goutte de super colle pour former un scellant super puissant. Après avoir combiné ces deux produits-là avec l'aide d'un cure-dent, on va immédiatement appliquer ce mélange-là directement au mur. Et après que ça ait séché, on va commencer à sabler. Ben là, t'as qu'à ça, va te chercher du polyphila. Du ouais. Ciment à joint. Du ciment à joint, tant que ça. Pas du ciment à joint, mais tu sais, du cache-trou, là. Faut que tu sables pareil. Ouais. C'est du cache-trou, on dirait genre un mot sans classe pour un sous-vêtement, genre. Okay. Donc, c'est super efficace, beaucoup moins cher que du polyphila, Tania. On porte des gants pour le faire et c'est ça, ça sèche super rapidement cette colle-là. Et il ne faut pas, évidemment, entrer en contact avec ta main. Bon, ça va bien en plus. Sinon, oublie ça, ta main fond. Bref, on passe à autre chose. Hein. Ça m'a mis mal à l'aise. Est-ce que tu portes des verres de contact, Tania? Non. Non, bon, Colin. Ça, c'est sérieux comme sujet, c'est de porter des verres de contact. Très sérieux. Pour te prendre soin de tes verres de contact, une petite liste à cocher, très intéressante. Ah. Les verres de contact, c'est bien, mais selon le Center for Disease Control, le centre de contrôle des maladies aux États-Unis, on a appris que 99% des gens qui portent des verres de contact ont au moins une habitude d'hygiène par rapport à la verre de contact qui est déficiente. Donc, cela étant dit, il faut savoir comment s'en occuper et c'est pas tous les ophtalmologistes ou autres qui vont vous dire nécessairement tout ça. Hein? Par exemple, le CDC dit que le facteur de risque le plus commun, c'est de garder les verres de contact plus longtemps dans les yeux pendant que vous dormez, par exemple. Ouais, ça, c'est un classique de ceux qui portent des verres de contact. Hein. C'est un peu paresseux, mais j'avoue que je l'ai déjà fait moi aussi. Puis tu te réveilles avec un paquet de pas mal de cochonneries, ça que je voulais dire. Dans les yeux. Hein? Ouais. Donc, pas à côté de toi. Moins d'avoir une infection aux yeux. T'es pas supposé faire ça. À moins que t'aimes avoir des infections aux yeux, c'est ce que ça veut dire. Donc voici la liste des choses à faire. Enlever vos verres de contact avant de vous coucher, de prendre votre douche, d'aller vous baigner ou encore d'entrer dans un spa. Remplacer vos verres de contact tels que prescrits par votre ophtalmologiste et seulement les porter aussi longtemps que recommandé. Ne pas rajouter de la solution dans votre petit rack, le petit truc à verre de contact. Ouais, souvent, ouais. Bon, il y a moins de liquide. On se dit, bon, m'a topé off ça, m'a faire un refill. Ouais, voilà. De café. Non. Premièrement, mettez pas de café dedans. Deuxièmement, topé off, c'est pas bon. On vide le truc, on le lave au complet et on le remplit à chaque fois. On le nettoie et on le rince. J'ai bien dit de le rincer. On dit, et ça, je l'aurais jamais deviné parce que j'ai probablement gardé mon étui à verre de contact pendant des années. On dit de le remplacer à chaque 3 mois. Ah, quand même. Ton étui à verre de contact, ouais. Ouais. Et on dit de rincer, de frotter les verres de contact eux-mêmes avec la solution à chaque fois qu'on les enlève. Après, évidemment, c'est de laver les mains. Hein? Si vous ne faites pas ça, vous avez un risque d'infection un jour. Et encore une fois, on va le rappeler à chaque conseil. C'est pas parce que tu n'as jamais eu d'infection. Ah, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, moi. Exactement, c'est pas parce que tu n'as jamais eu de problème, ça. C'est ça. C'est pas parce que, hein, que tu vas pas avec le, dans le, sur le. Tu sais, quand on dit ça arrive tout le temps aux autres, un jour ou l'autre, ça va être toi. C'est ça. Sooner or later, comme sooner on dit. Sooner or later. C'est selon The Wall Street Journal. Ensuite, une application pour le Mac, ma chère Tania. Ah, le geek en toi, je sens qu'il est très excité. Ah, parce que les gens qui... OK, parce que c'est une application, pas parce que c'est un Mac. Les deux, ensemble, ça fait de moi un geek, c'est ça? C'est ça. D'accord, t'as raison. Donc, c'est Stand for Mac qui vous rappelle de vous lever de votre chaise. Vous n'êtes pas capable de vous permettre une Apple Watch pour vous dire de vous lever dans les airs. Dans les airs. Dans les airs. Chaise. Lève-toi et lève-toi. Lévitation. Donc, c'est une application Mac. On se dit que s'asseoir toute la journée, c'est pas une bonne chose. Faut aller prendre une petite marche, faut aller jeter quelque chose en poubelle. Juste le fait d'aller chercher quelque chose dans le tiroir ou dans une bibliothèque, peu importe, juste vous lever debout une fois de temps en temps. C'est pour ça que l'Apple Watch vous dit à chaque heure de vous lever. Donc, c'est le même principe. Il y a plein d'applications pour ça, mais une fois par heure, elle le fait de façon élégante. Vous allez recevoir une notification pour vous lever debout. Une notification qui ne s'en ira pas à moins de cliquer « OK ». Quoique moi, j'ai une notification dans le coin de mon écran qui me dit « Vous avez une mise à jour pour votre Mac ». Puis je le fais jamais. Et là, depuis 3 semaines, je pense, c'est ça. T'sais. Ouais, mais là... Ouais, mais là... Hein? C'est ça, quand t'as un écran de 27 pouces, tu le vois même pas. C'est dans ton champ de vision. C'est même pas dans ton champ de vision. C'est dans l'angle. Ça te dit pas, tu sais, de faire la mise à jour. Ça te dit « Hey, chose, c'est le temps de te lever ». C'est ça. Ça veut juste dire que c'est une bonne excuse pour aller chercher du café. Tout est... Ah, c'est une bonne, oui! Dépenser quelques petits 25 cents. Aux heures. C'est ça. On aime ça. Un café par heure, ça ressemble à ça pas mal. Hein? Ça ressemble pas mal à notre vie. Revitaliser, on change complètement de sujet. Revitaliser vos bagels qui sont secs, hein? En les plongeant dans l'eau chaude, mais pas évidemment de la façon que vous pensez. Okay. C'est quand même pas ce qu'on va faire. Donc, accidentellement, t'as laissé tes bagels sur le comptoir. Ils sont laissés... en fait, c'est normal de laisser ça sur le comptoir, mais t'as laissé là trop longtemps, ils sont rendus secs. Et cette méthode-là va les rendre plus délicieux. Donc, la meilleure façon d'éviter, évidemment, un bagel sec, c'est de le mettre dans un contenant ou dans un sac à l'épreuve de l'air. Hein? Mm-hmm. Ou le sac dans lequel t'as acheté tes bagels. C'est pas mal la solution que j'utilise le plus. Évidemment. Donc, tes bagels commencent à avoir l'air de vouloir craquer votre comptoir quand vous l'échappez, quelque chose du genre. J. Kenji Lopez Alt. Il y a une touche de clavier dans son nom tellement il est long. J. Kenji Lopez Alt. chez Serious Eats. Suggère de leur donner un petit bain tiède avant de les faire rôtir. Donc, on va plonger le bagel dans un bol d'eau chaude et on va ensuite le faire rôtir dans un four grille-pain ou dans le four normal à 375 degrés Fahrenheit entre 4 et 5 minutes. Et on va ensuite pouvoir le couper et ça va super bien aller. Là, ce que j'en comprends... le bagel directement dans un bol d'eau chaude. Ouais, c'est... Je sais pas, hein? Je suis pas sûr. On va aller voir l'article en référence juste pour voir comment il le fait, parce qu'il y a sûrement des photos quelque part là-dedans. Donc, on parle de déshydratation. Ben non, apparemment que ça a l'air d'être pas mal ça. J'ai encore un petit peu plus. Il y a même pas de photos. Il y a pas de photos. Vois-tu l'endroit où ça en parle? C'est super long, hein? On dit de le mettre dans le congélateur si on veut pas que ça se produise au tout début. Mais bon. Bref, allez lire l'article au complet, mais ça nous dit vraiment de le tremper lui-même dans l'eau, ça dit pas de le prendre dans le sac. Moi, je pense peut-être que c'est dans le sac hermétique. Ouais, mais il y a une photo, là, il est vraiment, tu sais, comme en dessous du robinet. Pas de sac, rien, il passe le bagel sous l'eau. Eh ben, ça me surprend, tu sais. C'est parce que l'extérieur est plus croûté un peu, puis ça va pas aller à l'intérieur, là où la mie prendrait l'eau. Ça dépend quelle sorte de bagel tu prends, hein? C'est ça, hein? Mais ça, c'est un bagel complet, il a pas été coupé en deux, rien. Ouais, c'est ça, exact. Donc, il n'y a aucune chance que l'eau pénètre à l'intérieur. Et j'imagine que si tu fais juste le tamponner un petit peu avec du papier... Ben, ça dit, en plus, de le toaster entièrement. Tu sais, de ne pas le couper. Fait que tu peux pas le mettre dans ton toaster. Là. Ça, je peux... Non, c'est ça, j'avais dit tantôt four grille-pain ou four. Mais non, ça, j'avoue que je comprends ça. Les pains, mettons, à dog, là, vraiment gros, quelque chose comme ça, tu sais, que je mange des fois comme juste avec du beurre, là, comme ou de la margarine. Lui, je le fais tout le temps cuire au complet sans le couper en deux. Puis je trouve que c'est pas mal meilleur parce que l'intérieur est comme chaud mais mou en même temps. Je trouve ça vraiment délicieux. Ok, je comprends ça. Ça fait vraiment restaurant un peu comme pain. Donc, non, ça je le comprends. Et de le passer en dessous de l'eau comme ça, s'il est complet puis qu'il n'y a pas la mie d'exposer. Je pense que là, je suis d'accord avec ça. Mais le fait de le passer directement sous l'eau? Tu tiède, hein, pas chaud. Ça me laisse perpète. Ça te laisse froide. Mais non, faut faire confiance aux experts, même si nous, des fois, on se dit que ça a l'air fou. OK, on va faire confiance aux experts, puis on va l'essayer pour vous. Ben oui, le prochain c'est ça. Coup qu'on a des bagels secs. On s'est toujours dit ça à chaque fois, cette chronique-là. On s'est tout le temps, genre, il y a au moins un conseil qu'on devrait essayer à la maison pour faire une mise à jour la semaine suivante. On devrait. Ça serait une bonne idée. OK. Ensuite, pour les gens qui achètent des applications sur le Google Play Store, il y a une section qui s'appelle My Account dans le Google Play Store pour ramasser vos affaires gratuites que vous n'avez pas encore téléchargées. Google vous donne beaucoup d'affaires gratuites. Une fois de temps en temps, dans la section My Account sur votre téléphone, vous allez pouvoir voir les offres qui n'ont pas été réclamées. Il y a une tonne de façons d'avoir des affaires gratuites chez Google. Il y a Google Opinion Rewards, Chromecast Offers, Chromebook Goodies et plusieurs autres. Et si vous avez déjà cliqué sur un lien pour avoir quelque chose de gratuit, vous n'êtes pas allé le chercher, c'est tout là que ça se ramasse. Ah ben Moses. La section des gratuités, c'est My Account. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir des petits cossins gratuits, hein? C'est ça, tu vas aller sur les services que j'ai mentionnés tantôt et tu vas des fois juste cliquer sur « Oui, j'aimerais l'avoir ». Puis tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir dans ta section My Account. Et le Google Opinion Rewards, c'est un petit sondage pour avoir vos opinions sur des affaires. Ah, c'est ça, sauf que c'est des pages de 142 questions. Ah, pas toujours. C'est comme le sondage léger. Est-ce que tu participes à ça? Sondage léger, là, sur .com. J'ai reçu à date 40$ de Explique chèque. Explique-moi ce que c'est. $60. C'est juste l'application LégerWeb. C'est LégerWeb.com sur leur site web ou sur l'application. Attends, avant de le faire, je vais t'envoyer une invitation. Ça va me donner un petit crédit. Tu vois, genre. Tu vas faire de l'argent sur mon dos? Ben, non, mais c'est ça le principe. C'est que toi, tu invites d'autres mondes, mais c'est pas pyramidal. C'est que tu remplis des petits sondages qui peuvent des fois prendre 5 à 10 minutes. Okay. Et tu reçois 1$, 2$, 3$ de récompense. Selon le sondage, parfois. Et puis à la fin, quand tu as 20$, tu peux ramasser un chèque. Cet été, j'en ai ramassé 2, plus un troisième par le passé, donc à date, 60$. Et j'ai pas l'impression d'avoir travaillé beaucoup là-dessus. Là. Mais est-ce Vraiment que c'est pas. De l'argent américain ou de l'argent canadien? Complètement canadien. C'est un chèque échangeable en caisse dans ton guichet automatique. Tu le signes en arrière, tu l'envoies. What? Ça va super bien. Ok, envoie-moi l'invitation. Je t'envoie l'invitation tantôt. C'est cool, ça? On va arrondir nos fins de mois. Ben, moi, ça m'aide, en tout cas, un petit peu, des fois. Une fois de temps en temps, là, c'est toujours la fin. Ensuite, si t'aimes l'exercice, t'as moins de chance, moins de probabilité à avoir de la joie dans la nourriture. C'est oh ce qu'on dit. Donc, ça peut être difficile d'aimer l'exercice, mais peut-être que ça pourrait être une raison de plus de commencer à faire ça. Une étude en 2014 pour Marketing Letters a examiné 3 études. Donc, c'est une méta-étude qui explorait la relation entre la diète et l'exercice pour la perte de poids. On parle donc de l'association entre les gens qui voyaient l'exercice comme quelque chose d'amusant et leur choix alimentaire. Ça a conclu donc que ceux qui percevaient l'exercice comme amusante et non pas juste un effort ou du travail à faire avaient moins de chances de compenser avec du junk food après avoir fait des exercices. C'est souvent le cas quand on fait l'exercice. Ouais. On se sent bien et on se dit « Ah ben, je le mérite, je peux aller me chercher un fast-food. » Donc, c'est pas nécessairement une bonne idée. Allez voir le reste de l'article pour les détails. Ensuite, faites des croûtons à partir de restes de pizza pour la meilleure salade de tous les temps. Hein? On sait que la meilleure façon de manger de la pizza, c'est comme restant le matin. Pizza froide, on aime ça. T'aimes pas ça? Pizza froide? Pas tant. Pizza froide? Poutine froide, y en a qui aiment pas ça. Moi, j'aime pas ça du tout. Poutine froide? Ouais, je sais. Mais moi, je la fais réchauffer puis je trouve ça meilleur que de la vraie, quasiment, par moment. Mais ça dépend c'est laquelle. Ça dépend laquelle. Ou que oui. Ou que je mentionnerai pas des commerces parce que ça pourrait nous nuire, mais quand même, y en a que j'aime pas. En fait, y en a que j'aime pas même chaude, maintenant que j'y pense. Mais là, faut pas les manger dans ce temps-là. Non, c'est ça. En tout cas, on s'en reparle. De la carte. eux sont pas commanditaires, hein, Sodexo? Non. Donc, la pizza froide, j'aime bien ça, mais on suggère de faire des croutons avec le reste des pizzas. Donc, il y a un petit lien sur le site assemblagerequis.com qui vous parle d'une recette délicieuse pour une salade romaine, Roma Salad, qui incorpore des petits morceaux de croûtons, donc de croûtes de pizza. Hey, c'est une bonne idée, ça. Très, très bon, avec la petite pâte de tomate dessus, la petite sauce aux tomates, peu importe, là, ça peut donner une petite saveur. Le petit restat de fromage. Ah, que oui. Donc, on dit de couper la pizza en croûtons, en morceaux, en grandeur de croûtons. Lancez ça avec un petit peu d'huile d'olive dans votre salade et passez au four pour 8 minutes à 375 degrés Fahrenheit. Mais pitchons-le dans le four avant de le pitcher dans la salade. Pitch it on the four. Parce que t'as comme dit pitcher ça dans la salade puis passer ça dans le four. T'as tout à fait raison. C'est vrai que c'était assez évident comme erreur. Ouais. Mais ouais, merci de le rappeler. Ensuite, gardez-vous une petite liste de choses, de tâches faciles à accomplir pour remplir les trous entre 2 réunions si vous avez une journée remplie de réunions. Quand vous avez plusieurs réunions dans la même journée, vous avez toujours des petits trous et là, vous savez pas. Des fois, quoi faire pendant une trop longue période de temps? Aller chercher un café, ça va, mais si c'est plus que ça, 10-15 minutes, là, tu peux pas commencer une tâche parce que ça va te mettre en retard. Donc, il y a une petite liste de choses faciles à faire. Des tâches qui prennent, bon, ici, ça dit 30 minutes ou moins, peut-être que ça pourrait être 10 minutes ou moins. Créer cette liste-là pour pouvoir savoir comment sauter tout le temps directement dedans. Ou si vous avez la chance, peut-être sur votre téléphone, ça prend même pas de temps, vous faites juste cocher des cases et on aime ça cocher des cases. Genre faire une sieste. si tu veux, si t'as les installations requises nécessaires. Hey, installation requise, faire une sieste, t'es sérieux? Tu vas faire sur ton bureau, moi je suis pas capable de dormir assis. Je suis pas capable de dormir assis. Ah ouais? Faut le temps de me coucher. Ah, bon. En tout cas. Ça fonctionnerait pas pour toi, mais pour moi, ça fonctionnerait. C'est donc, ça. Je vais l'essayer cet après-midi. Et tu nous en reparles la semaine prochaine. <C'est ça. rire> Voilà pour les instructions d'assemblage. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On prend une petite pause et au retour, c'est Justine Renaud et la chronique Justine Persine. Restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce jeudi matin 24 septembre 2015 et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. La la la la la la la. Est-ce que Justine riait du retour de pause avec des la la là-dessus? Oh, elle est vraiment belle la chanson d'introduction. C'est une belle chanson, là. C'est une belle chanson qui m'introduit. C'est un retour de pause, en fait. C'est pas la chanson thème. Non, mais je voulais dire introduction de ma personne. C'est ça. De moi qu'on parle. De Justine Renaud, mais qui, elle, a sa propre intro. Oui, j'ai une intro dans une intro. Introception. C'est ça. Ah, j'aime ça, par contre. Oui, c'est le moment d'accueillir Justine Renaud. Voici Justine Pertine. Je me sens comme un robot dans cette chanson-là. C'est vrai. Non, mais tu te métamorphoses en une scientifique de renom. De Renault. Ah! Mais en particulier, je me sens comme Samus, tu sais, dans Samus, le robot femme. Oui, le robot avec dans Metroid. Oui. Dans Metroid, oui. Je me sens comme elle un petit peu dans cette chanson-là. T'es pareil comme ça. Exactement. Ouais, t'es comme une surprise à chaque fois parce que dans le premier jeu de Metroid, on a été surpris à la fin que c'était une fille parce qu'on savait pas dans le jeu que c'était une fille, tu comprends-tu? Ouais, c'est ça. Son métal le laissait pas paraître. C'est ça. Manquait des. En tout cas, ses pièces sont bien. Ouais. Ouais. Donc, vous avez passé un bel été, oui. Oui, très bien. Toi, c'est la première fois que tu vas au studio, hein? Oui. Et c'est la première fois que tu vois Tania? Oui. Hey, enchantée. C'est Justine. Deux premières fois. Ça se passe super bien à date. Le studio est vraiment courtois et Tania est bien placée. Là. Grande fenêtre, Tania. Grande fenêtre. Pour avoir le soleil sur la face pour faire comme un... Exactement. Voilà. C'est la lumière de Dieu qui arrive sur moi. Excuse-moi pour la réaction. Parce que le soleil est l'autre bord, par exemple. On le dira pas trop fort. Raconte-nous un petit peu ta chronique pour les gens qui n'ont jamais entendu par le passé. Donc, toute la session dernière, il me semble bien que j'ai juste fait ça pendant une, deux sessions déjà. Par l'hiver, il me semble que c'est automne aussi. Automne, hiver, OK, bon. Je reconduis la chose parce qu'apparemment, c'était une formule gagnante et je l'apprécie bien. C'est le fun parce qu'en même temps, je m'instruis, mais je vous instruis également au sujet des phénomènes de la vie. En général... Justine Pertine, c'est le moment de la semaine et le seul moment, je vous le dis, là, soyez là, c'est le seul moment où je suis pertinente. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la vie sur une base scientifique, des choses de tous les jours. J'ai déjà parlé à, mettons, des ouragans. J'ai parlé du temps qu'il fait dehors, pourquoi il fait ce temps-là, pourquoi les feuilles sont vertes, pourquoi les feuilles tombent en automne. Ça, d'ailleurs, c'est ça, oui. C'est sûr et certain que ça fait déjà deux sessions que j'avais fait parce que j'avais parlé des feuilles qui tombent. C'est vrai. Mais là, en ce moment, moi, je suis plus dans un mood Halloween. Ah, ouais. Je suis vraiment dans un mood Halloween. Hier, c'était l'automne, si je me trompe pas. Oui, ça... Ouais, mais ça, c'était hier. C'était hier. Ouais. Voilà. Hier étant le 23 septembre. Exactement. Et je suis déjà partie à la recherche de mon costume. Je vais me déguiser en... pour ceux qui me connaissent, ils voient un peu ma face puis ils se disent « Ça a l'air du Joker dans The Dark Knight, Batman. » Dans quelle, échevelé. Quelle façon? Okay. Quand je me coupe les lèvres là, de bord en bord, là, j'ai de l'air de... Mais ça, n'importe souvent. Qui, ouais, c'est ça. Je fais ça tous les matins, mais ça repousse. C'est un petit peu comme dans Boris Vian. Mais non, je suis vraiment déjà partie à la recherche de mon costume. Et là, ça me tentait de parler de choses un petit peu gore, un petit peu dégueu. Ouais. On va parler de sang. Le sang. Celui qui pompe dans nos veines. Alors, on le sait tous, c'est un liquide biologique. Ça sonne un peu dégueu de même. C'est un liquide physiologique vital qui circule en continu dans nos corps grâce aux contractions du cœur qui assure son déplacement le long des vaisseaux sanguins. Mais de quoi c'est fait le sang? Je pense qu'il y en a une grande majorité d'entre vous qui le savez déjà. C'est fait en grande partie d'eau. C'est ça. Vous n'êtes pas sans savoir, comme on dit. Oui, vous n'êtes pas sans savoir sang. Que... Sang. Ah! Oh, wow! On va payer une sangria plus tard. Oh, sangria! Donc, c'est fait d'eau. Pour ceux qui sont dans le génie mécanique, c'est fait d'alcool. Et on y... on y trouve ici, pas loin, de 45 % de cellules. Donc, on s'entend-tu que c'est un liquide? C'est censé... Tu sais, c'est liquide, là, mais cette histoire-là, c'est à moitié cellules. 99 % de la population des cellules sont en fait les fameux globules rouges ou érythrocytes à placer sur un mot qu'on ne triple au Scrabble, ça vaut bien cher. Tandis que les globules blancs, les cellules de l'immunité, souvent appelées leucocytes, hein, c'est cute, leucocytes, constituent seulement 0,2 %. Finalement, on compte quelques 0,6 % jusqu'à près de 1 %, dépendamment des individus, de thrombocytes, c'est-à-dire les plaquettes qui servent à la coagulation sanguine. Il y a des gens qui ont dit, là, quand on coagule, là, quand on se fait une blessure, ça s'appelle le clou plaquettaire. Je trouve que c'est un terme médical dégueulasse. C'est vrai, hein? Le clou plaquettaire. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe avec le 55 % qui reste, qui est en fait la partie liquide? C'est le plasma sanguin, un liquide jaune clair dans lequel baignent les cellules du sang ainsi qu'une très grande diversité de molécules. C'est aussi, d'ailleurs, si vous voulez aller faire des dons... Les dons de plasma, ouais, oui. Vous avez le choix à faire des dons de plasma ou aussi faire des dons de sang... total, où ce que eux autres, ils vont s'occuper de séparer les différentes constituantes de votre sang. Mais le sang, là, il me semble, on a l'impression dans les films ou à la télé que c'est plus visqueux que ce l'est vraiment. C'est peut-être parce que c'est pas du vrai sang dans c'est les ça, films. Mais en tant que tel, c'est beaucoup plus liquide qu'on a l'impression que ça va l'être, n'est-ce pas? Non? C'est du plus... Que... Est-ce que t'es en train de dire... C'est plus liquide que visqueux, genre. Ben, c'est un liquide qui n'est pas aussi liquide que l'eau. Mais qui est plus liquide que ce qu'on voit dans les films. Plus liquide que du sirop d'érable dans le frigo à 4 degrés. OK. Je sais pas comment, je sais pas son degré de viscosité, mais effectivement, le sang a un certain degré de viscosité. Mais c'est pas comme dans Carrie, quand, dans le film Carrie, oui, puisque le sang de cochon, il tombe dessus. C'est un peu l'image que j'avais en tête. Vraiment un peu style... glucose syrup ou genre fructose syrup, corn syrup. Presque, on dirait, ouais. Ouais, non, ouais. C'est... Ben, je suis pas experte dans la consistance du sang. Mais t'as mieux répondu que... J'ai des références vampires. Ouais, je vais vous les donner. Elle va leur en parler, puis après ça, elle va revenir. Mais, par exemple, pour vrai, ça peut dépendre aussi de votre état d'hydratation, mais je pense pas que ça doit pas varier tant que ça, parce que il y a tellement de fonctions physiologiques qui sont assurées par le sang qu'une viscosité trop élevée ou trop faible fera en sorte que ça viendrait complètement débalancer l'organisme. Okay. Si on n'est pas capable de... Si le sang, il pompe, puis ton... Tiens, mettons ton sang, toi, Tania, ouais. Là, il est comme méga visqueux dans la vie, là, parce que je sais pas, là, tu t'es pas hydraté depuis le début de l'été, puis tu bois juste la sangria. Non, ça remplace pas le sang. Mais ça va faire en sorte que ton cœur va avoir une surcharge, puis tu seras pas capable de passer tout le liquide au travers des vaisseaux sanguins. Là, c'est ça. Fait que boum! Crise cardiaque. Voilà. Oui, crise cardiaque. T'as répondu à ma question. Ouais. Fait qu'on parlait de plasma sanguin et la base de cette soupe, c'est l'eau, je vous l'ai dit, à moins que vous soyez comme un étudiant en génie quelconque. Et ben, voyons! Je sais pas génie. Non, je peux dire aussi Biomed, ils boivent beaucoup. Persécution. C'est vrai, surtout à la chasse. Ouais, ouais, c'est vrai. À la chasse à l'alcool, bon. Oui, c'est ça. Puis, cette soupe-là contient des ions, des glucides, des lipides, des acides aminés, des protéines à fonctions diverses, des gaz, et des déchets métaboliques. Le tout gardé à un pH entre 7,35 et 7,45. Genre, le genre de pH là, vraiment stable que je donnerais pas ma mère à garder stable parce qu'elle a de la misère à garder l'équilibre du pH de sa piscine. Bref. Est-ce que tu peux boire du chlore? C'est ce qu'on conseille aux gens. C'est ça, quand ça marche pas. Vous faites un test. Okay. Vous trempez la fiole. Ouais, non, c'est le corps qui s'en charge. On est bien fait de même. Ouais. Au contraire des tissus conjonctifs solides dans notre corps, comme par exemple le cartilage ou la graisse, le sang ne comporte pas de fibres et c'est pour ça qu'il demeure liquide même s'il contient beaucoup de cellules. Mmh. Okay. Fait que c'est le fun. C'est le fun pour ça. Pas d'Albrand à prendre pour non, non, pas, non, le Albrand va aller se diriger ailleurs. Okay. Et dans là, ça, on laisse planer le suspense. Au final, cette soupe est super importante pour un paquet d'affaires dans notre corps. On en déduit, hein, parce qu'on a tout du sang. Et on le soupçonne déjà, il est en premier lieu capital pour sa fonction de transport. Évidemment, on pense à la distribution des nutriments et l'oxygène aux cellules du corps, mais il ne faut pas oublier son rôle dans la circulation de déchets métaboliques vers les organes qui se chargent de les éliminer. Hein, on ne veut pas qu'il y ait un surplus de déchets métaboliques, comme il se passe à Montréal certaines semaines. Soit on va envoyer les déchets. Hey, j'ai dit soit. J'ai de la misère avec mon volume aujourd'hui. C'est parce que je reviens de l'été puis j'étais encore en mode party. T'es à 11 sur 10. Je suis à 11 sur 10. Je suis comme ben trop. J'ai même pas pris mon café en plus. Donc, les déchets métaboliques, où ce qui s'en vont, soit dans le foie et les reins pour l'urée et les poumons pour le dioxyde de carbone. Fait que ça, c'est déjà une partie intéressante du transport. Ensuite, parmi les autres fonctions, il y a les protéines aux fonctions diverses que j'ai mentionnées précédemment qui utilisent le sang pour voyager. Par exemple, des hormones qui transportent des messages. Ou des immunoglobulines pour la défense immunitaire. Ça, c'est juste des exemples, mais il y a tellement plein d'autres affaires qui baignent dans notre sang. Ben, on rappelle aussi que comme il n'y a pas de fibres dans le sang, tu peux pas pogner la fibre optique non plus. Tu peux pas te faire brancher belle sur ton sang. Faites attention. Ça fonctionnera pas, je pense. D'accord. Je peux-tu les appeler pour dire ça? Hey, on peut-tu faire des prank phone calls? C'est le fun, hein? Si jamais j'ai un autre concept d'émission, là, c'est un concept pour ce que j'appelle déjà. Bon, non, non. Hello, Bell Canada. Et finalement, je ne sais pas pourquoi ça aurait pu être n'importe quel. C'est qui, donc? C'est juste eux autres? Oui, c'est eux autres. OK, excusez. Finalement, le sang, on parle du sang, puis on a parlé de plein d'autres affaires. Je vous dis, c'est vraiment là, instructif comme légèreté chronique. Légèreté par moment, légèreté. Le sang contribue à la régulation de nombreuses fonctions, dont la pression artérielle, évidemment, hein, qui est constituée du sang. Si on n'a pas de sang, il n'y a pas de pression artérielle. En tout cas, en fait, c'est pas vrai. On pourrait vous embaumer puis mettre du plasma seulement ou de l'eau seulement ou de l'alcool seulement. Vous auriez une pression artérielle. Mais pour le moment, tant que vous êtes vivant, c'est censé être du sang. Ça régule aussi le pH de tout le corps. Fait que c'est vraiment comme une espèce de grosse machine régulatrice pour le pH, mais aussi pour la température corporelle. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Okay. Fait qu'on l'oublie, mais c'est un peu comme notre cooler, notre Prestone. Ben, c'est notre sang, en partie. Et seuls des globules... pourquoi je m'en allais raconter seuls des globules rouges? Ben oui, parce que je vous parlais de globules rouges. Mais là, je vous entends de votre voiture pognée dans le trafic. Là, j'imagine que l'heure de pointe est à peu près là, celle qui dure 5 minutes. Surtout à Trois-Rivières. Les heures de grande écoute, comme on voilà. dit. Puis vous vous demandez, là, explique-moi donc pourquoi là, c'est rouge encore du sang. Pourquoi c'est rouge? Il me semble qu'ils ont dit à découverte la semaine dernière, mais j'ai oublié. Parce qu'on oublie tout à l'heure pourquoi c'est rouge. Hein? C'est comme Rouge FM. Pourquoi ça existe? On se le demande tout le temps. Pourquoi? C'est vraiment quoi contre Rouge FM chaque fois absolument que... Absolument pas. Bam! Bam! Je sais pas, moi, je... Hein? Bon, hein? Je pogne pas la radio sur mon vélo. Donc, c'est que le sang contient près de 45 % de globules rouges. On sait. Hein? Oui, on le sait. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, sont rouges, les globules. Pourquoi sont rouges? Ben parce que ça contient énormément d'hémoglobine, hein, qui est rouge clair lorsqu'elle transporte de l'oxygène et qui est rouge foncé lorsqu'elle transporte du dioxyde de carbone. Mais pourquoi l'hémoglobine, c'est rouge? Parce que ça répond pas à notre question. C'est parce que l'hémoglobine, c'est une protéine qui comporte quatre groupements M, H, E, accent grave, M, E, M. M, ton voisin. Puis chacun des groupements M, avec un atome, il y a un atome de fer au centre de chacun de ces groupements-là. Et c'est ces atomes de fer-là qui émettent la couleur rouge. Rouge plus clair quand il y a de l'oxygène et rouge foncé lorsque c'est autre chose que de l'oxygène. Parfois, ça peut être du dioxyde d'oxygène, mais si vous laissez votre bébé en arrière de votre exhaust, ça se peut que ça soit du monoxyde de carbone. Ce qui serait pas la meilleure des choses à faire. Non, non. À titre comparatif, parce qu'on parle souvent des aliens qui ont du sang vert, certains invertébrés comme les arthropodes, on parle aussi de crustacés, araignées, etc., toutes les choses belles de la vie, des politiciens certains, ont le sang bleu-vert parce que leur hémoglobine est composée de 4 atomes de cuivre au lieu de fer. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est d'ailleurs pas de l'hémoglobine qu'on appelle, mais bien l'hémocyanine. Donc, pour cette raison, parce qu'on a changé l'atome et que c'est pas les mêmes électrons qui sont envoyés puis qui absorbent et reflètent de la lumière, on va obtenir une couleur bleu-vert. Fait que quand vous écrapoutillez des chenilles à terre, des araignées, des affaires, c'est normal que le sang soit bleu-vert. C'est un peu dégueulasse. Pareil comme les personnages dans les jeux vidéo dans le temps où il y avait de la censure puis que le sang était vert là, dans Mortal Kombat, là, mettons. Là. C'est dégueu. Ça m'a fait. Mais c'est juste ça, c'est juste parce qu'ils ont du cuivre. Il faut pas les discriminer. C'est être raciste du sang. Hein? Mais là, je vous entends de votre voiture pognée dans le trafic encore. Oh, Justine, tu as tort, on a le sang bleu, mais dans les veines. Oui, on a du sang bleu dans les veines. On voit des fois. On a du sang bleu dans les veines. Là, quand j'essaie de me piquer, il me semble que ma veine est bleue. C'est harsh à matin. Bang, bang! Ça rentre au poste. Si tu mélanges avec la peau, c'est quoi? Parce qu'en tant que tel, quand tu le retires, je sais pas, moi j'avance des théories. Ah. Mathieu, t'es génial. OK. Parce que merci. Même si dans les veines, le sang est désoxygéné et donc l'hémoglobine est rouge foncé, ça demeure que le sang est rouge, pas bleu. Mais la raison pour laquelle on voit nos veines bleues, c'est parce que la peau qui recouvre nos veines sert de filtre et ne laisse passer que la couleur bleue de nos veines. Ah, c'est beau ah, à ben, dire. Voilà. Est-ce que c'est la même chose chez les personnes de d'autres couleurs de peau? Ça, en fait, c'est une bonne question. Parce mais que brun plus rouge, ça fait quoi? Ben, noir. Tu as les veines noires. En fait, c'est une très bonne question. J'ai comme l'impression que ça demeure du bleu, mais parce que la mélatonine est overpower, vient surpasser le doux bleu. Ben, on le voit moins. On peut être du mauve. Parce qu'il y a plein de théories à avancer. Quelqu'un qui aurait la peau très, très pâle, mettons, mais albino, y en a, mettons. Mais il y en a qui sont comme méga... Vous avez jamais vu des gens avec la peau hyper mince puis que, genre, leurs veines sont comme rouge foncé, là. Ouais. Rouge foncé mauve, là. C'est comme la petite fille en 5e année, rachidique, là. On a toute une petite fille comme prénom, ça dans notre classe. Rachidique Badouri. Rachidique Badouri. C'est drôle. C'est drôle. Wow. Sur cette joke de mauvais goût... Non, elle n'a pas de mauvais goût, c'est juste une référence. Ben, je trouve qu'elle goûte les arachides. Là, ça, c'est le mauvais goût. T'étais correct jusque-là. Ah, c'est correct. T'es comme moi, tu dépasses les limites du bon goût. Je me ferai pas de mauvais sang là-dessus. Oh! On va aller entendre une des plus belles chansons de la francophonie, à mon avis, qui vient de Jean Leloup, qui est la chanson est utilisée sans d'encre pour rendre hommage à ce doux fluide. On s'en va entendre ça, ma... Ah, ça va jouer. C'est Justine Poutine. I poutine a lot. Je me suis fait sans encre pour toi, comme une pieuvre dans un gros bac chinois. Avant ta gueule ce matin, je te crois. J'ai bien fait de penser très fort à toi. J'ai envoyé des chansons dans les airs, en espérant qu'un pigeon voyageur te les chanterait par jour au noirceur. Jusqu'à ce que tu reviennes par ici, par ici, par ici. Ne me raconte plus jamais de salade. Dis-moi toujours quand tu te sens malade. J'ai une épaule bourrée de pouvoir. Il paraît qu'elle aide à pleurer dans le noir, dans le noir. Sur tes bras, j'ai bien fait de penser très fort à toi. Que nous soyons amis ou amoureux, mais maintenant nos cœurs battent à deux. Je te comprends beaucoup plus que tu crois. Alors s'il te plaît, la prochaine fois, appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. Enfin aujourd'hui te revoilà, avoir les cicatrices sur tes bras. J'ai bien fait de penser très fort à toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Comme une pierre dans un gros bac chinois. Avant ce matin les bonbons sous tes bras. J'ai bien fait de penser très fort à toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Le collier que tu m'avais fabriqué à 5h moins quart c'est brisé. Que s'est-il passé à 5h moins quart? Probablement qu'on te voulait du mal. Je me suis fait un sang d'encre pour toi, comme une pierre dans un gros bac chinois. Avant ce matin les bobos sur tes bras, j'ai bien fait de penser très fort à toi. Day. killer pros. Carly walks away, his blood flows. Open, the wound grows. Melts away, the water froze. Water froze. un cover de Sunday Bloody Sunday par un certain groupe qui faisait un hommage à un autre groupe que vous connaissez. Ouais, c'est ça. Lui-même. Oui, juste avant ça, on avait entendu Blood Flows de Sun et en premier lieu, c'était Sang d'encre de Jean Leloup. Mm-hmm. Belle, belle, belle chanson francophone que j'aime de mon cœur. Belle, belle, belle, on se rappelle que la Baby fibre belle. Peut hein? pas aller dans ton sang parce que la gag de tantôt. Exactement. On s'en rappelle. Juste avant la pause, j'étais dans le vif de mon sujet qui était le sang. Mm-hmm. Le sang cette semaine où je vous expliquais c'est quoi, c'est qu'est-ce que ça goûte. Non, c'est pas vrai. Non, on l'a pas fait. Ben, ça goûte le fer. Mais là, c'est ça, je me demande si, admettons, on suce une araignée, est-ce que ça goûte le cuivre? Bonne question. C'est comme quand tu suces une scène, ça goûte le cuivre. Peut-être que sucer une araignée, ça fait pareil comme une scène. Je te mets au défi, Mathieu Plante. C'est du cuivre? Oui, apparemment. Ah, d'accord. Mais il ne faut plus en parler, là. Non, c'est fini. Non, arrête de vivre en prison. Tu vas aller en prison. Justine, vraiment fière de toi. Je trouve que tu as travaillé bien dans les coins et tu as donné ton 110%. Oh, t'es trop fin. Trop gentil avec tout le monde. Merci, Justine Renaud. Ça m'a fait plaisir. On te retrouve dans 2 semaines. Absolument, comme d'habitude, je suis la bi de service. C'est ça. Lesbienne dans sa tête, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. T'es fine, Justine, puis tu m'as manqué, tu sais. Ouais, moi aussi, tu m'as manqué. Je pense pas que t'as manqué à Tania parce qu'elle te connaissait pas. Ouais, mais là, elle m'a manqué, par exemple. Voilà, je l'ai croisée une fois là, à Chasse-Galerie, puis depuis ce temps, là, j'attendais là, qu'on se recroise. C'est ça. Surtout que j'étais pas à Trois-Rivières, mais. Oh, là, ça défait l'histoire un peu, là. Oh, misère! Ah, il y a des petites confusions là-dedans. Il y a du monde qui me ressemble. Mon alibi sexuel est défait. Oh! Je suis désolée. C'est bon, ça. Après qu'on se met longtemps là-dessus. Moi, j'aimerais pas passer une heure avec toi. Mais tu restes si tu veux, parce qu'on a une autre chronique qui s'en vient. Ça va être une grosse pointe à l'adresse. Ah, ouais, tu peux. Ah, je vais rester. OK. Tu peux goûter des affaires. Puis j'ai peur. Une grosse pointe à l'adresse au retour à Assemblage Requis. Reste avec nous. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis. On est toujours le jeudi 24 septembre 2015. Et toujours Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ah, mais pas toujours. On a toujours en notre compagnie la séduisante, sexy Justine Renaud, qui est là pour faire son show-off de connaissances. De connaissances et d'apparence. Parce qu'à la radio, c'est important d'avoir une belle apparence. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai pas fait mes cheveux puis j'ai une tuque AGE-UQTR. Ah oui? Ah, mais oui, ça existe. Ils ont fait faire des trucs pour le même petit t-shirt. 5 piastres, les sont belles. Ils ont l'air de des. Ben, c'est peut-être pas la bonne couleur parce que ça a l'air de Serpentard, mais ça a l'air d'une tuque d'Harry Potter. Ah, ouais. Ouais. Ça a l'air d'une tuque Harry Potter. Fait que là, t'es en train de me dire que l'Association Générale paye des tuques au monde avec l'argent des étudiants. Ah, ben, outrage, n'est-ce pas? Mais tu peux l'acheter. L'émission est présentée par la GEQTR, c'est pour ça que je fais semblant de chialer. Pour avoir de ne pas avoir de parti pris. Sur ce, merci beaucoup à la GE. Merci à la GE d'être avec nous. On écoute un canard à l'orange. Connard à l'orange. Connard à l'orange. Et au retour, une grosse pointe en dresse. Toi le poteau bouché sortirait. J'ai justement un lacet slack. Fait que je me penche pour voir du liquoir. La réponse arrive comme une claque. Un écrivain reste dans l'autobus. Me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ. Fait que je m'imagine plein de belles affaires. La carte de punch dans ton cou. Fait que tu fais travailler ton cœur et ton cerveau. Avant de passer 8 ans à vendre la merde au fou. Je suis sûr que ton pavé des frères Karamazov prend plus que la moitié de la place dans ta sacoche. Ça en laisse pas gros pour les cochonneries, c'est le fun. Peux-tu avoir de la place pour mon numéro de téléphone? Un écrivain reste dans l'autobus. Me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ. Fait que je m'imagine plein de belles affaires. We'll

20 ans de bacon. Si t'as pas de congélateur assez grand pour mettre tes 20 ans de bacon, vous devez pas avoir peur, ça va être en 20 installments, 20 parties en 20 livraisons différentes d'environ 250$ chacune pour permettre la réfrigération facile et bien sûr la consommation de ce bacon à chaque foutu matin. Je suis pas sûr que je m'étonnerais par contre. Ouais. En y pensant, je suis pas sûr que je m'étonnerais. Wow. J'avais une discussion avec ma mère l'autre jour. Je suis désolée, il faut que je fasse une parenthèse. Avec ma mère, au sujet de l'islamisme et du possible assimilation qui s'effectue partout dans le monde. Je veux pas rentrer dans les détails de notre débat et nos positions. Mais essentiellement, ce que j'en conclue, c'est que ça arrivera pas. Je pense que la planète aime ben trop le bacon. C'est ça. Ça finit là. Ouais. Ça finit là. Ça rappelle le meme. Le bacon est le peacekeeper. La solution dans la vie. Ouais. Le meme sur Internet, là, tu sais, c'est... je mange pas de bacon à cause de la religion, puis l'autre, c'est je participe pas à ta religion à cause du bacon. Ouais, genre. Le meme sur Internet. Genre. Exactement. Bref. Si vous êtes végétarien ou quelqu'un qui ne veut pas manger de bacon, encore une fois, on inclut tout le monde là-dedans, mais vous pouvez prendre la place, un seul montant en argent de 5 000$. Mais on rappelle que tantôt, il y avait 20 ans à 20 parties de 250$ chaque. 250$ fois 20. Hein? Évidemment. Tout le monde connaît la réponse de 250 fois 20, c'est 5 000$. C'est exactement le même prix, donc vous perdez rien. Yes! Parce que d'habitude, quand tu prends un lump sum, à la place de prendre un installment, le prix est moins gros. Le balloon, genre, qu'ils appellent, le gros ballon d'argent que tu peux prendre d'un coup est moins élevé que ce que tu aurais eu si tu l'avais pris à chaque année de ta vie, comme gagnant à vie, des trucs de même. Aux États-Unis, c'est le même. Au Canada, j'ai aucune idée de la loi là-dessus, mais je sais qu'aux États-Unis, le montant est un peu petit. Alors que là, 5 000 pour 5 000, tout le monde gagne. Hein? C'est bien. Et ça va être assez pour une grosse pointe d'adresse pour aujourd'hui. On rappelle nos produits, choix du président, écorce à saveur, enfin ça dit croquant aux amandes à l'arôme de fumée et curry. Et croquant aux noix, cannelle et arôme de pomme. De pomme. De pomme. De pomme de main. Pomme. Je veux pas goûter à ta pomme de main. Or do I? De pomme. Merci Tania. Et... sans les pommes en plastique. C'est ça. Et les liens sont sur assemblagerequis.com. www.assemblagerequis.com. On prend une pause. Au retour, c'est la chronique de Tania Baudin. Et si j'étais toi, Justine, je resterais encore un petit peu juste pour vivre le début de la chronique de Tania. Ah ouais, après. D'accord. Si tu veux. Tu pars quand tu veux, mais il faut que t'entendes ça. C'est Gabriel hein, qui est resté. Je suis encore ici. En train de sucer sur mes affaires. Fait que... Allez, sus. Sur mes croquants aux noix. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce jeudi 24 septembre 2015. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, toujours avec Justine Renaud, à qui j'ai conseillé de rester parce qu'elle doit entendre la prochaine chose qu'on va faire. Mais avant de faire cette prochaine dite chose susmentionnée... Plein d'allusions ce matin. Ça n'a pas l'allure. On écoute Alabama Shakes parce qu'on a parlé de bouffe tantôt, puis un shake. Je le prendrais qui vienne d'Alabama ou de n'importe où ailleurs. Je sais pas s'il y a un accent qui dit pomme en Alabama. Pomme. Définitif. Quand c'est frais, c'est bon. Ah, ben oui. Clairement, c'est pour ça que j'ai dit ça comme ça. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left, worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Lying down ain't easy, and everyone is pleasing. I can't get no relief. Living ain't no fun. The constant dedication, keeping the water and power on. There ain't no money left. Why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death. Les frappés d'Alabama. Avec Don't Wanna Fight. Assemblage requis. Avant de passer à la chronique de Tania, est-ce que tu veux nous saupoudrer ça d'un petit. Ben, il y a Justine qui a une annonce à faire tout juste avant. Ah, Justine, excuse-moi, il y avait quelque chose à dire sur les frappés d'Alabama. Moi, ça me dérange pas, là. Ça me dérange pas, mais Alabama Shakes vont être heureux d'apprendre s'ils sont à l'écoute qu'ils jouent au festival Montmorency en fin de semaine, le 26 septembre, ce samedi, à l'Espace Montmorency à Laval. Fait que pour aller voir les V-Nex de ce monde et quelques bons bands, dont Alabama Shakes, évidemment, mais Mac Miller, Local Natives et As Soon As Possible Ferg, entre autres. Oui, il y a du monde, hein? Il y a du monde. Ouais. L'an dernier, par exemple, il y avait quand même Metric, Death From Above 1979, il y avait Neutral Milk Hotel, il y avait plein d'affaires comme ça qui étaient vraiment excellentes. Je connais pas Mmm Mmm Mmm. Neutral Milk Hotel. Neutral Milk Hotel. Neutral Milk Hotel. Mmm. C'était très bon l'an dernier, pour vrai, là, c'était vraiment très bon. Ouais. Fait que cette année, là, c'est comme, ça va être difficile à côté. Mais ils vont essayer. Ouais. On vous dira si ça fonctionne. En tout cas, passez pas à côté. Ah, bah, t'as drôle! Pas de passer à côté, Tania! Hey, on a décidé tout juste avant ma chronique de spread un peu de love un peu partout. De tartiner de l'amour, ça que tu veux dire. De tartiner d'amour notre émission de radio et peut-être même d'en faire une chronique. Okay. Dans nos prochaines émissions. Parfait. Mais je vous explique, il y a une page Facebook qui s'appelle Spotted UQTR et comme on est situé sur le campus de l'UQTR, quoi de mieux que d'aider les gens à trouver ceux qui cherchent. Alors, je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui cherche le nom d'une fille avec un accent français qui est dans son cours de chimie en cours du soir mardi. Elle discutait avec deux gars pendant la période de travaux. Il fait dire qu'il sait qu'il aurait dû aller te demander ton nom, mais il n'avait pas la patience d'attendre jusqu'à mardi prochain. Alors, si tu n'es pas Marie Curie... parce que quelqu'un a laissé ça en commentaire. Parce que quelqu'un a laissé ça en commentaire. Si tu n'es pas Marie Curie, eh bien, va voir sur Spotted de QTR. On te cherche, ma belle. We're looking for you. Voilà. Voilà. C'est fait. Tu veux savoir où sont les Français? Tu sais, me regarder à la face quand je fais avec les yeux par en arrière. Encore un Français. Putain, mon petit Français. Puis là, tu me cherches. Puis là, tu vas voir qu'il y avait un Français à côté de moi. Non, mais on s'entend-tu qu'un Français dans un cours de chimie, puis c'est une fille, là, il ne doit pas en pleuvoir. Ouais. C'est ça. Fait que si tu entends cette annonce, vite, cours à un ordinateur. Mais pourquoi page pas Facebook, dit... spotter l'écouteur. Pourquoi il n'a pas dit la couleur de ses cheveux? Putain, parce qu'elle n'a pas. C'est après la radiation, puis c'est vraiment Marie Curie! Excusez, j'ai vraiment crié. Est excellent. Bon, c'est pas grave, on a un compresseur. Non, mais tu sais, lui, il a pas mis de détails. Puis il y a d'autres posts où ils mettent beaucoup trop de détails. Oui. Comme une fille qui écrit « Mon ami a craqué pour un garçon avec un accent français musclé, assez grand, cheveux bruns, courts, qui se tient à la chasse-galerie de temps en temps. Qui es-tu? » Si tu entends, jeune français musclé, assez grand, cheveux bruns et qui se tient à la chasse-galerie très souvent, Cours, toi aussi. Ils sont probablement 32, c'est ça? Ouais, peut-être. Vous devez écouter le soccer. C'est la nouvelle chronique. Spotter. Spotter. C'est ce qu'on passe à l'intro. On disait donc, avant de faire du spotted, que moi, je te spot. Tous les matins, je te spot. Je te regarde en train de lever des poids. C'est ça qu'on dit, de spotter quelqu'un? Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est ça, spotter. Tu benches combien? Moi, je dis tout le temps que je bench 120 bang. T'es en fils à bord, là. C'est exactement ça. C'est bench au verre de vin, moi. J'y mange comme si c'était un épi de maïs. C'est un travail de minutie, ton affaire. C'est la collègue de Tania Beaudin. Tania is gonna entertain you. Yeah! C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Hein? Hein? Hein? La la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla. Flou flou flou flou flou flou flou flou flou. And she's gonna entertain ya. Ah, on a eu la version longue ce matin. La version longue, une fois sur deux. Hey, merci beaucoup, Justine. C'est la première fois que je le vois, je suis abasourdie. J'ai la bouche au 0028 Pierre Boucher. Là, je m'en peux plus. C'est pour ça que je voulais que tu restes pour voir ça. Waouh. Voilà. J'aime avoir honte de moi-même devant le public. Non, c'était fantastique. T'as vraiment une bonne voix. Ça ah tente oui. pas de participer à une émission quelconque où ce qu'on drôle évalue tes cordes vocales. Je sais pas, peut-être. On devrait se partir un knock-off de la voix, genre appelé la voix de marde. Et faire auditionner les gens ici dans le coin du studio. C'est ça. Ben oui, on a de la place. Que c'est la voix. Oh, Patrick Bruel sur nos ondes ce matin. On devrait. Tania, oui. Tu as un sujet à nous présenter ou plusieurs? Ben oui, j'en ai deux en fait, mais ils se rejoignent un petit peu, vous allez voir, puis ça rejoint toujours la journée du jeudi. Tu sais, le jeudi, j'essaie d'y aller de façon... Ben, Judai, hein, c'est la journée des nazis là, qui éliminent les juifs, Judai. Ouais, OK, bon, le jeudi, j'essaie de suivre notre chronique en fait, qui est une grosse pointe à l'dresse, donc j'essaie toujours d'y aller d'une chronique soit culinaire ou... Let's drink up. Juste d'aimer ma blague. Ouais, je vois ça. Il y a la honte de ma blague. Mais comme je le disais en début d'émission, si vous n'avez pas une ouverture d'esprit assez grande, peut-être que vous êtes mieux de ne pas écouter la première partie de ma chronique parce que probablement que vous allez trouver beaucoup de choses à justifier et à chialer. Est-ce qu'on a bullshité depuis 1h30, je te dirais, de l'émission? Mettons, 1h45. Ben, les gens, ils se connectent juste pour ma chronique. Ah oui, ben, et jamais à même heure. C'est la Justine. Et jamais à même heure. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. C'est la Justine d'aller. Ouais. Je suis ponctuelle. Mais aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous savez qu'est-ce que la fête du mouton? Non. Non. Non, vous savez pas? Non. Non. J'ai décidé de la faire, en fait, parce qu'il y a quand même une... C'est un poisson comme vraiment très, très, genre, c'est un mouton, c'est un ton mou, un mouton. Le petit poisson, il est comme... Non, mais tu vas voir ce que c'est. Il y a quand même une bonne quantité je sais pas si je peux dire ça comme ça, de musulmans ici à l'UQTR. Oui. Oui. Alors, je me suis dit que j'allais faire ça pour eux, en fait, parce que la fête du mouton, c'est une fête culturelle musulmane. Ah, cool! Ouais. Puis là, c'est pour ça que je dis que si vous n'avez pas une ouverture d'esprit puis que vous chialez sur tout ce qui est musulman ces temps-ci, vous êtes mieux de changer de poste. C'est, j'espère qu'ils ont réussi à passer outre notre collègue de Bacon Jean-Claude. Ouais, ouais, c'est... Ben, j'espère pour eux, parce que sinon, ça va mal à la chope. Je sais pas s'ils ont le droit d'en écouter du contenu sur le bacon. Tu sais, c'est pas pareil comme le manger. Hey, je sais pas. Tu sais, du bacon, mettons. L'entendre de frire, mettons. Je pense que la règle en soi, c'est que s'ils sont pas au courant qu'ils sont en train de manger du porc, donc s'ils sont pas au courant qu'ils sont en train d'écouter un porc parler. Je parle de toi, là. Hey, voilà. Qu'ils n'enfreignent pas de loi selon Halal. Voilà. J'ai aucune idée. Alors, en fait, j'ai fait quelques recherches, mais j'ai eu l'idée de la chronique simplement parce que le mari de ma cousine, ben le chum de ma cousine est musulman et il fête ça ici à Trois-Rivières cette fin de semaine, comme toute sa famille s'en vient, puis il fête ça, puis je me suis dit ben pourquoi pas, parce qu'il y a quand même une grande communauté musulmane à l'UQTR. Exactement, donc on va glisser ça un peu partout et j'ai goût de vous faire un petit peu l'historique d'où c'est que ça vient ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Alors c'est très très facile, cette fête commémore la soumission d'Abraham à son Dieu, symbolisé par l'épisode dans le Coran où il accepte d'égorger sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël. Après son acceptation de l'ordre divin, Dieu envoie l'archange Gabriel qui substitue au dernier moment l'enfant par un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. voilà, sacrificiel. En souvenir de cette soumission totale d'Ibrahim à son Dieu, les familles musulmanes sacrifient un animal selon les règles en vigueur. Alors, en fait, c'est bien simple, c'est qu'après un long temps où que Abraham avait envoyé son enfant dans le désert, Dieu lui a dit qu'il devait se sacrifier et il a décidé de le faire, mais il a envoyé un mouton surtout pour justifier l'acceptation de son fils à se faire égorger. Mmh. Il dit oui, c'est beau, vas-y, je comprends intense, pourquoi il faut que tu le fasses. Ouais, c'est intense. C'est pour ça qu'il faut que je dis que ça prend quand même une ouverture d'esprit quelconque pour écouter la chronique en tant que telle, mmh. parce que c'est différent, puis Dieu sait à quel point les choses différentes font parler ces temps-ci. Bon. C'est vrai, ça. Bon. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ben, comme je l'ai dit, ils égorgent un mouton, ils en font un grand festin. Dans certaines places, ils vont même jusqu'à aller à l'abattoir chercher directement les moutons qui sont déjà prévus à se faire abattre, là, pour pas abattre n'importe quelle sorte de mouton. Mmh. C'est pour eux. Si on compare ça, mettons, avec les fêtes culturelles québécoises, la fête du mouton est pour eux comme nous, notre Noël ou notre jour de l'an. Okay. Parce qu'en fait, ça arrive le 10e du mois, du dernier mois du calendrier musulman. Uh-huh. Donc, c'est comme leur fin d'année. Puis, c'est comme ça qu'ils s'arrangent pour fêter tout ce qui s'est passé. Et ils fêtent, évidemment, le don d'Ismaël à son père en disant « Oui, c'est beau, vas-y, égorge-moi. Mm. » Donc, on souligne ça en égorgeant un mouton. Mais tu fais pas simplement égorger un mouton, là, je dois le dire. Comme je disais, on en fait un grand festin. On en fait des prières aussi. La plupart du temps, ça va être le matin même. Donc, on va prier. Par la suite, on va se recueillir en famille. On va manger. Je disais aussi que la plupart du temps, un tiers de la bête qui a été égorgée doit être redonnée. OK. Que ce soit à des gens plus démunis, que ce soit à des voisins, que ce soit à une autre famille, peu importe. Le un tiers de la bête doit être donné dans la culture, mm-hmm. Pour justement souligner tout ce qui est tout ce qui s'est passé durant l'année et tout ce qui a été fait. Alors, c'est la fête du mouton, puis je le disais parce que c'est en fin de semaine pour eux. Oui, et ça se passe où, l'événement à Trois-Rivières, t'as-tu qu'il y a? Je te dirais que ça, selon ce que moi j'ai su, il n'y a pas vraiment d'endroit spécifique qu'eux, ils vont tous se rejoindre pour le faire. Ils le font dans chaque famille musulmane, mettons. Okay. C'est beaucoup plus familial qu'un gros événement comme le party du coin de la rue, mettons. Je comprends. C'est, comme je le dis, c'est un peu leur Noël, leur jour de l'an. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se ramasse en famille, on fête ça. Karaoké. Tu sais, en temps normal, si tu calcules les choses comme elles sont faites, nous, à Noël, on met des cadeaux en dessous d'un arbre pour fêter la résurrection de Jésus. C'est tout aussi n'importe quoi, on va se le dire bien honnêtement. Tu sais, pourquoi est-ce qu'eux ne feraient pas un grand festin avec un mouton égorgé sorti d'un abattoir? Bon, voici mon opinion. Tout à fait, non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et en fait, mon deuxième point de chronique, ben oui, déjà, je l'ai dit que c'était quand même une petite chronique aujourd'hui, mais ma deuxième partie de chronique, c'est une page Facebook. Je parlais d'une page très intéressante. Spotter de QTR encore. Hein? Eh bien non, même pas ça, ça va être une prochaine chronique. OK. En fait, c'est la page Facebook qui s'appelle SAQ Express Laurier. Là, vous allez me dire, ouais, OK, la SAQ, c'est parti une page Facebook. Ouais. Là, félicitations. Non, c'est pas ça. En fait, c'est l'initiative de Dominique Bottex et Jonathan Thivierge, qui sont deux employés de la succursale Express Laurier à Montréal. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent à la succursale et ils ont décidé de lancer une page Facebook entièrement québécoise, entièrement, si je me souviens bien, pour certains produits québécois aussi. Mais les gars vont, entre autres, mettre sur la page Facebook leur coup de cœur. Donner leurs opinions sur les vins qu'ils reçoivent. Ah. C'est vraiment... Oui, en quelque sorte, c'est la SAQ parce que ce sont des produits SAQ, ça se trouve partout. Mais c'est non officiel, c'est fait par des fans. C'est non officiel, c'est fait par des employés, mm-hmm. tout simplement pour... Tu sais, exemple, tu vas à la SAQ puis tu dis « Ouais, à soir, je me mange un rôti de bœuf avec des patates, puis qu'est-ce que tu me suggères? » Ben en fait... Si tu vas direct sur la page SAQ Express Laurier, il y a de fortes chances que tu puisses le trouver avant même de te rendre à la SAQ. Bonne idée! C'est vraiment très cool. C'est une initiative de, comme je le disais, de deux employés. Je le dis, ça fait 10 ans qu'ils travaillent pour la SAQ, donc ils ont quand même une bonne connaissance de ce qu'ils parlent. Ils présentent non seulement des vins, ils présentent des liqueurs, ils présentent aussi des bières. Donc, messieurs, si vous n'êtes pas très vin, il y a aussi les bières que vous pouvez aller voir. J'aime le fait qu'ils donnent vraiment leur opinion et leur coup de cœur à savoir qu'est-ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Ils font aussi, exemple, qu'ils reçoivent un nouveau produit à la SAQ, ben ils vont dire on va le déguster puis on va vous en reparler dans pas long. Donc si comme jamais une grosse vous, pointe le lendemain matin, ouais c'est ça, comme une grosse pointe en dresse. Puis il y a des questions aussi, il y a beaucoup de gens qui vont poser des questions, donc vous pouvez vous rendre sur la page de SAQ Express Laurier pour justement avant de vous rendre à la SAQ puis dire au petit gars là-bas, hey, je mange un rôti de bœuf. Qu'est-ce qui se boit avec un mouton? Ouais, ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que j'ai mis ça. On se regardait puis on était pas sûr. Ça. C'est pour ça que j'ai mis cette chronique-là tout de suite après l'autre parce ça que. Tu sais, j'imagine. Ah, oh, je le vois là, le lien. J'imagine qu'ils fêtent ça en. Ils peuvent-tu? Ils peuvent pas. Je pense, l'alcool. Ils boivent pas d'alcool. Je peux pas être connaissant. Ça dépend à quel point t'es pratiquant. Ouais, c'est ça. Comme n'importe quelle religion. Pendant la période du Ramadan, je sais que la très grande majorité des musulmans. Peu ou ouais. Très pratiquants vont la vraiment nuit. Essayer de s'abstenir ouais, vraiment ouais. De ouais. Prendre de l'alcool par simple respect du défi et de ce que ça représente spirituellement que de faire exact. Le Ramadan. Là. Mais je pense qu'en dans je veux dire, non, je sais pas. Oui, bah, je sais pas, je sais pas. Ça reste intéressant. T'sais, nous, à Noël, on le fait, mais je sais pas, j'aurais dû m'informer parce qu'en fait, ça doit différer d'une famille à l'autre. Ouais, tu sais, ouais, comme tu dis, à quel point tu es pratiquant puis à quel point tu donnes une limite par rapport à ça. Mm-hmm. Je sais pas. C'est une bonne question. Bonne question. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, ça vous tente. Et d'ailleurs, Tania Baudet, tu poses des questions des fois au public pour oui. Leur demander, par exemple, qu'est-ce qu'il y aurait comme chose pour savoir quoi boire comme alcool. Mettons, je t'ai vu passer ça cette semaine, ça a peut-être mené à SQ Express Laurier. On sait pas, là. C'est peut-être ben, en fait, j'ai posté sur Facebook la question à savoir si les gens connaissaient des vins pour en apprendre plus sur le vin. Pas les vins pour en apprendre plus sur le vin. Pas les vins directement. Tu sais, comment en apprendre sur le vin, les cépages, comment différer un bon vin d'un mauvais vin, tu sais, ce genre de choses-là. J'ai eu beaucoup de réponses, en fait. J'ai eu la charmante réponse d'aller chercher le livre « Les vins pour les nuls ». Oui. Et je me suis dit, mon Dieu, je vais aller chercher. Je me suis fait aussi répondre que certaines personnes allaient chercher un cours en sommelier. Oui. Sommelier, puis ça coûtait très cher d'en apprendre sur les vins. J'ai pas dit que je voulais devenir une grande connaisseuse de vin. Là. J'ai dit que je voulais accentuer mon apprentissage sur le vin. Ok, je veux pas devenir Ricardo quelque chose. Ouais. Mais bon. Mais je pense qu'on est beaucoup comme toi à vouloir comme s'instruire au sujet de. Ben c'est ça. C'est juste d'en découvrir un peu plus. Puis tu sais, tant qu'à chercher sur internet, ben j'aime mieux lire un livre. Mm. Puis, quand t'as dépensé 20$ à SAQ, tu veux acheter un bon vin, là. Ben, c'est ça. Je dis parce qu'il y en a des mauvais vins, là, à 20$. C'est ben ça oui. Qui est triste. Fait que, tu sais, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aussi aller voir la page Facebook SAQ Express Laurier. C'est clair. Moi, je suis déjà là. Ouais, c'est ça, je vois. Justine est déjà en train de checker tout ce qu'il dit. Ben, je pense que je suis sur la bonne page. C'est vraiment comme la page. Oui, c'est exactement ça. Avec 440 mentions « J'aime ». Oui. Donc, tu sais, j'aimerais remercier Dominique. En fait, un des gars qui a lancé cette page-là, Dominique Botex, qui me l'a envoyé, qui m'a dit « Tiens, check ça. C'est très intéressant. Je suis très contente et je vais essayer certains des produits recommandés. » Je garde ça dans mes signets, absolument. Ben oui, c'est bien. Là, il y a plein de monde en studio, on aime ça. On aime ça, c'est excitant, c'est party. C'est déjà tout pour ma chronique, mais Matt, vas-y donc, t'as l'air d'un gars qui attend quelque chose. Non, en fait, je disais qu'on va se quitter avec une pièce tantôt qui s'appelle Explose-moi. De la bronze. De la bronze, parce qu'on aime beaucoup ça. On va se quitter là-dessus. Mais pour nous, en direct, pour l'instant, c'est le moment de se quitter et de dire au revoir à tout le monde. Mais avant de dire au revoir, on va dire bonjour. À Samuel Girard de Génie en Liberté. Salut, ça va? Et bonjour. Faut que je dise à vous trois, là. C'est oui, ça, c'est ça. On est trois, aujourd'hui. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient à Génie en Liberté tantôt? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, premièrement, on va parler d'astrophysique. C'est passé plein de belles choses cet été. On va faire quelques mises à jour là-dessus. Okay. Là, Pluton, là, c'est une planète. Non, c'est une planète naine. Mais le débat n'est pas fini, ça, je peux te le garantir. D'accord, parce qu'à Who Wants to Be a Millionaire, je veux pas être comme la fille là, qui manque le million parce qu'elle dit que Pluton, c'était telle affaire. Non, ce serait stupide de prendre cette question-là. C'est ça. Sinon, je continue les entrevues avec des politiciens. Oui. On en reçoit deux aujourd'hui. Donc, il va y avoir Yvon Boivin du Parti libéral et on va avoir aussi André Valois du Bloc québécois. Okay. Donc, on continue là-dessus. Je veux parler aussi d'un texte qui a été écrit sur les radios poubelles. Oh. Oui, donc, c'est ça. Ça va faire une belle discussion tantôt. Tiens, je vais en profiter pendant que Justine est là. Justement, je me suis surtout pas senti visé tantôt avec ta bonne blague sur les gens en génie mécanique. Je le vois dans tes yeux. Toi, t'as de l'air sobre. T'as de l'air d'un des rare. Non, mais sérieusement, pour avoir été très souvent à jeun dans les parties de génie, t'as tellement raison. Je peux pas te contredire. Mais en fait, je peux pas parler dans l'association des étudiants en sciences chimiques et physiques et comme un peu les plus puristes. Là. On n'est pas mieux. On l'aime, notre éthanol. On l'aime. Ben voilà. C'est le même que ça marche à l'université. Ça nous met de bonne humeur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Amen. Non, c'est Julien Liberté qui s'en vient à 9h30. S'il n'y a pas de changement, c'est bien ça. S'il n'y a pas de changement avec toi et Stéphanie, on va vous écouter tout à l'heure, 9h30 à 11h. C'est le Génial Liberté. Ensuite, à 11h, sera le Dîner de cons avec Danny Janvier. Restez à l'écoute après ça pour plein d'autres affaires, dont Palmarès du Monde à 16h, la rediffusion du Mathieu Plancheau à 17h, Radio Sonic, entre autres, à 20h. Allez voir Sifou.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Merci à Justine Renaud. Bienvenue. Merci à Tania Baudin. Hey, merci Mathieu Plante. Passez tous une excellente fin de semaine de 3 jours pour nous parce qu'on est jeudi et qu'il n'y a pas d'émission vendredi. Les meilleurs moments à 7h demain. Samedi midi aussi. Et on se quitte avec Explose-moi. Et on se retrouve lundi matin. À 6h30. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Qui t'a inventé